La 7e conférence de la Fédération générale des syndicats de Corée aura lieu à la capitale Pyongyang à la dernière décade d'octobre de l'an 105 du Juche 2016. La conférence fera dignement le bilan du processus de son développement durant 35 années à la suite de sa 6e conférence. Sous la direction éclairée des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il, la fédération syndicale s'est développée davantage en rang politique de masse fidèle à la cause du parti. Elle discutera des tâches des structures des formations syndicales pour s'acquitter de leur mission et de leur rôle en tant qu'organisation d'éducation idéologique dans les campagnes et marches générales pour appliquer la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée.